rendez-vous. J'arrive comme tap-tap avec quelques dames-dames. Toujours quelques gram-gram. Faut que la police gram-gram. J'entends que les bam-bam. J'évite les tram-dram comme dam-dam-déo. On est des sales pétasses comme Mariquette et Ashley. Le pote me passe 8 têtes de bœuf. Un canif et me dit Ashley. Je le fais en conduisant. J'ai pas le mi-père. Ils pourront pas me le sucrer. Le rap, une couverture. En vrai, j'suis agent secret. Au loin, j'ai vu cette fille-là. Petit ensemble fila, t'inquiète le zin, ça part en filature à base de tequila. Je traîne dans des villas, plus grandes que ton village. J'attends la fermeture, trace de coke comme d'une du pila. La flamme allume le cigare, l'after a duré deux taf. On n'ira pas dans mon lit, celle d'avant lui a fait péter les lattes. J'suis trop démat, on va le faire dans la baignoire. Oh oh ouais, on va le faire dans la baignoire. Dam dam déo, j'arrive comme tap tap avec quelques dam dam. Toujours quelques gram gram. Faut que la police gram gram. J'entends que les bam bam. J'évite les dram dram comme dam dam déo. Dam dam déo, j'arrive comme tap tap avec quelques dam dam. Toujours quelques gram gram. Faut que la police gram gram. J'entends que les bam bam. J'évite les dram dram comme dam dam déo. Levé de soleil, les poils du torse dépassent du peignoir. Une amatrice dans mon radar, je vide la bouteille avec elle. Pas la plus belle du monde, mais la plus belle d'un soir. Trop tard pour demander son nom, c'est mollet sur mes épaules. Je me lâche un clin d'œil dans le miroir. 5 heures du mat, bourré en street dans l'équipe. Que des acrobates, des aromates, des jolies filles. Ça croustille dans la croustille, patchune dans les bars comme à l'époque. Le blast prend de la place sur la prog. Avec Rico comme ticket toc, la concu rap comme Crazy Frog. Je vais au comico en Uber. Pas très poli mais grosse dégaine. Charbonne très tôt jusqu'à plus d'heures. Quelques popstars dans mes DM. Elles demandent si je suis circoncis. Les yeux en accent circonflexe. Dam dam déo, j'arrive comme tap tap avec quelques dam dam. Toujours quelques gram gram. Faut que la police gram gram. J'entends que les bam bam. J'évite les dram dram comme dam dam déo. Dam dam déo, j'arrive comme tap tap avec quelques dam dam. Toujours quelques gram gram. Faut que la police gram gram. J'entends que les bam bam. J'évite les dram dram comme dam dam déo. Après le sexe elle a les crocs. Oh, oh, oh. On a perdu des calories. Désolé chérie, mais y'a plus que de l'alcool dans le frigo. Oh, oh.